Deuxième nouvelle, le secret des trois M. Chapitre 1er. Oh, Madame Morel, alors elle était gentille, ma Rosalie. C'est un amour de jument, Monsieur Vial. Mais le Mistral m'a gâché complètement la promenade du retour. Pensez, j'ai dû replier la capote et j'ai perdu mon chapeau. Heureusement que votre Rosalie n'a pas eu trop peur. Un vrai calvaire. Ah, après 5 années, ça souffle fort en général. Tenez, prenez mon bras pour descendre et ne vous occupez plus de rien. » La cloche de l'église du Saint-Esprit sonna juste les 10 heures en ce samedi 12 juillet 1884, lorsque Madeleine Morel rendit le phaéton qu'elle avait loué la veille au matin. « Vous avez eu beau temps hier à la Barbin, Madame Morel ?»« Oui, comme ici, je pense, avec du vent, évidemment. » Madeleine venait de mentir, car elle ne s'était pas rendue à la Barbin mais à Saint-Antoine, contre l'avis de son entourage. Elle voulait prendre des nouvelles de ses parents avant que les communications ne fussent interdites. En effet, une épidémie de choléra endeuillait Toulon et commençait à toucher Marseille. Aussi n'avait-elle pas bien sûr avoué sa destination au loueur de voiture qui se serait récrié. Depuis la place des Tanneurs où se trouvait la remise de M. Vial, Madeleine décida de faire un détour par le bas du cours pour remettre une lettre à une amie de sa mère. De là, elle rejoindrait son logis situé place aux Herbes, au coin de la rue des Marseillais. Son mari ne devait pas l'attendre et, vu ses habitudes, elle le trouverait certainement encore au lit. Elle était sûre qu'il n'aurait rien fait dans la maison. Le moindre brin de cuisine ou de rangement était au-dessus de ses compétences, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Pour s'en défendre, il disait qu'il travaillait avec sa tête, enfin avec la tête des autres, puisqu'il était chapelier, métier hautement intellectuel et harassant comme chacun sait. D'ailleurs, il ne passait à son magasin que les après-midi seulement pour ne pas trop se fatiguer. Elle emprunta la rue Esparia pour rejoindre le bas du cours où plusieurs hommes se retournèrent sur son passage. Bien que vêtue sans ostentation, elle attirait les regards par sa stature, son port de tête altier, sa chevelure brune, opulente et mobile, la grâce de sa démarche. Belle, simplement belle, sans falbala ni artifice, Madeleine était mariée à un balourd, hâbleur, et de surcroît coureur de jupons, comme si la chance d'être l'époux d'une femme intelligente et jolie ne suffisait pas. Beaucoup s'étonnaient de cette union si mal appariée, mais en bonne catholique, Madeleine avait accepté les désagréments d'un tel mariage. En remontant chez elle, elle coupa par la rue Beauvaisais pour rejoindre la rue de l'Office. Bientôt, elle put apercevoir le beffroi, parvint devant sa maison et grimpa lestement au premier. Deux ouvertures donnaient sur ce palier avec à gauche le départ d'une cage d'escalier menant à l'immeuble contigu. Une grande porte à deux battants de bois ciré permettait d'introduire les visiteurs. L'autre, modeste et peinte de la même couleur que le mur, donnait directement dans la cuisine. Pour éviter de salir l'entrée et les tapis, on utilisait souvent cette porte pour pénétrer dans l'appartement sans cérémonie. La clé n'entra pas dans la serrure. Une autre s'y trouvait déjà. Madeleine frappa pour qu'on lui ouvrît, sans résultat. Elle se mit à bougonner. « Ce cochon a dû profiter de mon absence pour s'enivrer avec sa bande de propre à rien. Il va falloir le jeter à bas du lit pour le réveiller. » Elle entra donc par la grande porte et se mit à appeler. « Oh là, Antoine, vous n'êtes pas encore debout ?» Une odeur bizarre, à la fois doucereuse et musquée, flottait dans l'appartement. Madeleine se dirigea immédiatement vers la chambre du couple. Surprise de la trouver vide, elle vit que le lit n'avait pas été fait et les volets étaient toujours ouverts. De toute évidence, la chambre n'avait pas changé d'état depuis qu'elle l'avait quittée la veille. Constatant au passage que le chapeau et la canne de son époux étaient accrochés à la patère, elle se rabattit donc sur le salon, s'attendant à trouver son gros mari ronflant tout habillé sur le divan de velours vert. Surprise, là encore, pas plus de Morel que de beurre en broche. Un rapide coup d'œil dans le bureau, qui d'ailleurs ne servait jamais, fut tout aussi inutile. Bon, eh bien il doit être quelque part, certainement en bonne compagnie. De guerre lasse, Madeleine finit dans la cuisine où elle décida de s'octroyer un grand verre d'eau à la pile, et c'est là qu'elle eut la surprise de découvrir son mari étendu sur le sol, le corps à demi couché sur le côté. Regardez-moi ça! « Il devait être fin sou pour aller s'endormir par terre !» s'exclama-t-elle. De surprise autant que de lassitude, elle se laissa tomber sur une chaise et contempla la scène avec calme. au bout de quelques secondes, elle réalisa que son mari ne respirait pas. Elle s'approcha et remarqua qu'une tache de sang maculait les tomates. Morel avait une blessure à la tête, blessure résultant certainement d'un coup. « Mais c'est qu'il est mort !» s'exclama Madeleine. « Eh bien, Sian Pulite, vous êtes mort, mon époux. »« Eh bien mort, » dit-elle en se redressant.